ثم قال ما الموقف الصحيح تجاه العصاة من المسلمين. Okay, la position à avoir, la vraie position authentique à avoir face aux gens désobéissants parmi les musulmans. Comment se comporter avec eux? Il dit le موقف الصحيح للعصاة من المسلمين نصيحتهم. Donc la position à avoir c'est de leur prodiguer le conseil. تنصحهم في ترك المعاصي والتوبة إلى الله ويكون ذلك بحكمة وطريقة لقبة. Donc toi, tu dois les conseiller de délaisser les désobéissances et les appeler à se repentir à Allah Azzawajal. Cela avec sagesse et sagacité. Min ghayri tanfir, min ghayri tajdid, wa innama yakunu bitarghib, bitawbah, wa tarhib, min al-ma'siyah, wa akadha al-nasiha. Et cela sans les faire fuir, ni être trop strict avec eux, trop dur avec eux. Mais cela doit le faire comment? En les incitant à se repentir ou en les effrayant du péché. Et en faisant le conseil. وتكون النصيحة سرا بين الناصح والمنصوح من أجل أن يكون ذلك أدعى إلى قبوله. Et cette nasiha que tu lui prodigues, tu dois la faire de façon discrète entre toi et lui en privé, afin que cela soit plus accepté pour lui. Si tu fais devant tout le monde de façon brusque, il faut que tu fasses fuir. قال أما إذا أشهرت به عند الناس أو تكلمت في عرضه وهو غائب وقلت فلان يعمل كذا وفلان ما فيه خير وفلان هكذا يزيد شر شره وليس هذا من نصيحة وهذا من فضيحة. Par contre, maintenant, si tu parles de lui au milieu des gens, d'accord, tu fais savoir son mal aux gens, tu parles dans son honneur alors qu'il est absent, tu dis par exemple un tel il fait telle chose ou un tel n'a pas de bien en lui ou un tel kaza et kaza, cela ne rajoutera comme on dirait que de l'huile sur le feu, il ne fera que jeter de l'huile sur le feu. Cela n'est pas le conseil, mais cela c'est le dévoilement. Et là, je pense que l'auteur fait allusion aux gens qui cachent leur péché. D'accord? Qui cachent leur péché. Quant aux autres qui font leur péché ouvertement, eux, c'est le hajj, tu les délaisses. Et parler sur eux n'est pas forcément un mal. Maintenant, toujours les appeler au bien, cela est meilleur. D'accord? Mais là, ce qui apparaît dans la question, c'est qu'on parlerait de gens qui font des péchés, mais, d'accord, sans que pour autant cela ne soit une chose qui soit au vu de tout le monde, au vu de tous. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا حديث أمس كل أمتي معافى إلى المجاهرون والمجاهرين que toute ma communauté est préservée à part ceux qui ont des péchés ouvertement devant tout le monde. Donc c'est un autre jugement cela. Et il y a péché, il y a péché également. D'accord ? Il y a péché, il y a péché. تعاملنا مع العصاة هي النصيحة. Donc nos comportements à avoir avec les obéissants c'est le conseil. وتكون النصيحة بحكمة وموعظة حسنة de façon sage et de bonne exhortation. وبرفق ولين avec douceur et délicatesse. وتبشير بالخير إذا تاب et lui faire la bonne annonce si jamais il se repent pour qu'il se rassure, qu'il s'apaise. كذلك تحذيره من العقوبة et le mettre en garde contre les conséquences de ses péchés. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. Il a dit pour صلى الله عليه وسلم faites la bonne annonce et ne faites pas fuir. Facilité ne rendait pas les choses difficiles. Wallahu ta'ala yaqul udu ila sabili rabbik bil hikmah wal mu'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Et appelle au sortir de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et parle avec eux de la meilleure façon. An-Nahl, les abeilles, verset 125. Walamma jiya lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi shalb al khamr fa amara bi jildi لأن الشرب الخمر يجلد فقال بعض الحاضرين لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول أما علمت أنه يحب الله ورسوله. وفي رواية أخرى لا تعينوا علي الشيطان. Donc lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم il fut apporté cet homme qui buvait de l'alcool qui s'appelait Abdullah et qui s'est mis le Nabi صلى الله عليه وسلم ordonné de le flageller en sentence pour son acte. Car celui qui boit de l'alcool, la pénitence pour lui, c'est de le frapper. Certains parmi les gens qui étaient présents ont dit qu'Allah le maudisse. D'accord ? Celui-là, on l'a trop amené. C'est-à-dire, ça fait trop de fois qu'il vient qu'il se fait frapper pour ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il buvait de l'alcool devant tout le monde. Mais il se faisait dévoiler. D'accord ? Donc, le Nabi sallam, il a dit, ne dis pas cela. Ne dis-tu pas que cet homme-là aime Allah et son messager? Et malgré cela, mais qu'il aime Allah et son messager, ça n'empêche que la sentence est lui appliquée, malgré tout. Et des gens disent que c'est parce qu'il est dans son cœur, parce qu'il aime la religion. On ne dit pas qu'il n'aime pas la religion. Mais il y a des obéis, et cette désobéissance, elle a un hukm. Ce hukm, on l'applique. Et lui-même, qui aime la religion, il ne sera pas en colère du fait que le hukm soit appliqué sur lui. Ce sera une tauba. Comme cette femme qui avait fait zina, et qui est venue se rendre elle-même auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, il a lapidé. Et Omar lui a dit, après il a fait salat sur elle, Omar lui a dit, tu fais la salat sur elle, alors qu'elle a fait zina, elle a dit, Omar, elle a fait une tauba, que si jamais cette tauba-là devait englober les gens de 70 parmi les gens de la Médina, elle les prendrait, tellement elle était grande. Ne vois-tu pas qu'il y a meilleur pour elle, qu'il y a-t-il de meilleur pour elle qui soit venue d'elle-même, pour que son péché lui soit expié, justement, par cette lapidation, plutôt. Elle s'est fait lapider. Donc le fait qu'elle ait demandé le hukm sur elle, prouve qu'elle aime la religion, qu'elle regarde ce qu'elle a fait, et qu'elle sait que ce jugement sur elle sera une expression de sa faute, réelle. Yom al-Qiyamah, elle n'aura rien sur elle, par rapport à cela. Donc celui qui aime la religion, d'accord, et qui une sentence s'applique sur lui, il ne prend pas mal contre les gens. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas facile, mais n'en veut pas aux gens. Non. Quand elle... Et dans une version, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith, par rapport à cet homme qui était frappé, ne soutenez pas Shaitan contre lui. Ne soyez pas un soutien de Shaitan contre votre frère. C'est-à-dire pour leur foncer encore plus, qu'après, qu'ils ne délaissent pas ce mal et qu'ils perdurent dessus. فَالْعَاسِي يَنْصَحْ وَيُرَغَّبْ وَيُحَذَّرْ مِنْ الْعُقُوبَةِ وَتُوَصَّلْ إِلَيْهِ النَّصِيحَةَ بِطَرِيقَةٍ يَقْبَلُهَا لَا بِطَرِيقَةٍ يُنَفِّرْ مِنْهَا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. Donc le désobéissant, on le conseille et on le motive à faire le bien, on le met en garde contre le mal, contre les mauvaises conséquences de son acte. Et cette nasiha, on lui fait parvenir d'une façon qu'il pourra l'accepter. D'accord ? Et non pas d'une façon qui le fera fuir. C'est ça le comportement correct à avoir avec lui. Mais comme on dit, ce qui apparaît, c'est qu'il parle des gens qui font des obéissances discrètement. Un mal pervers, c'est un pervers, c'est pas pareil. Lui, le pervers, c'est, on le conseille également, même en étant sévère avec lui. Et s'il répond, on le fait le hajj. On le boycotte.